Vous écoutez CKRL 89.1 Québec. Aujourd'hui au Grain de Sable, une entrevue avec Mme Ruth Rose, porte-parole du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail sur le dossier des régimes de retraite en première demi-heure et la chronique de Cédric Leterme en seconde partie d'émission. Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle édition du Grain de Sable d'Attaque Québec en ce 14 janvier 2012. Alors, pour ceux que c'est la première fois qui nous écoutent, alors le Grain de Sable, je vous le rappelle, c'est un magazine socio-économique qui se veut fournisseur d'informations alternatives, si je peux m'exprimer ainsi, agrémenté le tout de musique engagée. C'est réalisé par le collectif des membres de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne qu'on reconnaît sous le nom d'Attaque Québec. Alors, comme je vous le mentionnais, au début d'émission, nous allons nous entretenir avec Mme Rose du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail. Nous aurons ensuite l'éditorial hebdomadaire de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, puis ce sera la chronique de Cédric Leterme en direct de la Belgique. Mais d'abord, une courte pièce musicale, ouvrier du groupe Ya Basta. Alors, vous venez d'entendre, non pas Ya Basta, alors avec la chanson Ouvrier, mais bien sûr la poursuite de notre thème, dont je ne peux prononcer le nom, malheureusement. Peut-être que notre metteur en onde peut le faire. C'est un morceau de Béchaud de Rome. Alors, merci Fabien. Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1. Vous écoutez présentement Le Grain de Sable. Alors, nous enchaînons maintenant avec Mme Ruth Rose, comme je vous l'ai mentionné en début d'émission, donc qui est porte-parole du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail, entre autres sur le dossier des régimes de retraite. Alors, bonjour et bienvenue au Grain de Sable, Mme Rose. Bonjour. Alors, pour le bénéfice de nos lecteurs, nous allons mettre un peu sur notre blog un lien vers un article d'Odile Rochon qui résume de très belle façon votre carrière. Alors, Ruth Rose, économiste au féminin, ça l'a paru dans la revue Vie économique en novembre 2011. Ça résume aussi votre parcours et toute la contribution inestimable pour la société québécoise, si je peux m'exprimer ainsi. Par ailleurs, vous avez été professeur d'économie à l'UQAM durant 35 ans et vous êtes toujours en association avec cette organisation-là, n'est-ce pas? Oui, et avec l'Institut de recherche en études féministes aussi. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, au mois de mai ou juin, je crois, l'année passée, en 2011, vous avez été nominée en tant que chevalière de l'Ordre national du Québec. Alors, félicitations pour ce prix prestigieux, si je peux m'exprimer ainsi. Merci. Alors, aujourd'hui, on vous a invité justement pour parler des régimes de retraite. Donc, vous avez toujours accordé une grande importance au combat mené dans l'arène politique pour améliorer le sort des femmes. Alors, qu'en est-il de celui des femmes retraitées? Et comme les femmes sont pauvres pendant toute leur vie active, elles sont encore plus pauvres à la retraite relativement aux hommes. Parce que la retraite suppose, tous les régimes de retraite, à part la sécurité de vieillesse, sont basés sur les gains au cours de la vie active. Alors, les femmes ont été moins présentes sur le marché du travail et elles ont aussi subi une certaine discrimination salariale. Donc, elles ont pu moins épargner et quand elles participent à des régimes comme le régime des rentes du Québec ou les régimes d'employants, elles cotisent sur des salaires plus faibles, donc les pensions qu'elles retirent éventuellement sont aussi plus faibles. Donc, les femmes retraitées ont moins de revenus. Oui. Alors, c'est sûr que leur contribution aussi des femmes dans la société, c'est sûr que c'est ça, des fois, c'est pas toujours rémunéré. Alors, allons-y maintenant avec le but principal de notre entretien d'aujourd'hui. Donc, le mémoire présenté cette semaine par la Fédération des femmes du Québec, le régime de retraite des groupes communautaires et de femmes et le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail. Donc, ces trois groupes-là, vous avez présenté ce mémoire, dont vous êtes la porte-parole pour le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail. Dans le tout premier paragraphe du mémoire, on lit ce qui suit. Nous aimerions d'abord exprimer notre grande insatisfaction quant à la façon que le gouvernement du Québec est en train de décider de l'avenir des régimes de retraite en morcelant la discussion, en tenant des consultations plus ou moins sérieuses et en faisant fi des opinions maintes fois exprimées des groupes de femmes, des syndicats, des associations de personnes âgées et même de certains groupes de jeunes. Alors, quels sont les dangers qui nous guettent en ce qui concerne l'avenir des régimes de retraite? Bien, en 1981, ça fait 30 ans, il y avait une coalition des syndicats et des groupes de femmes et des groupes de personnes âgées qui ont demandé de doubler le régime des rentes du Québec et le régime des pensions du Canada. Et le gouvernement n'a pas accepté notre proposition à ce moment-ci. En 2004 et 2009, ils ont tenu d'autres consultations sur des propositions de réforme. Nous avons exprimé le même point de vue et le gouvernement a fait complètement ignorer la revendication des groupes qui représentent quand même probablement une majorité de la population. Et ils ont procédé dans le dernier budget avec des coupures au régime des rentes du Québec, tout en augmentant la cotisation. Et le pire, c'est qu'ils font ça au nom de l'équité intergénérationnelle, alors que ce sont les jeunes qui vont payer beaucoup plus cher pour avoir les régimes beaucoup plus faibles. Et au lieu d'améliorer le régime public, le gouvernement est en train d'adopter une série de lois qui affaiblissent les régimes de prestations déterminées qu'ont certaines employeurs et plutôt de mettre à la place diverses formes d'épargne individuelle qui est de loin la façon la plus inefficace d'assurer une rente à la retraite. Ces régimes demandent d'abord, chaque individu doit faire des choix quant à la façon de placer son argent. Et comme il n'a pas nécessairement les connaissances, et même s'il a les connaissances, il n'est pas capable de faire un placement diversifié. Certaines façons de collectiviser les régimes permettent une certaine diversification, mais c'est plutôt rare. Et de toute façon, si vous devez individuellement planifier votre croissance d'épargne et voir à la stabiliser au moment où, à mesure que vous vous rapprochez de la retraite, vous êtes obligé de choisir des placements de plus en plus conservateurs qui ont les rendements de plus en plus faibles. Alors que le régime des rentes du Québec est quand même, ça couvre l'ensemble de la population et donc il y a un groupe démographique équilibré. Donc, ils peuvent avoir certains placements conservateurs, mais ils peuvent avoir des placements qui ont des taux de rendement plus élevés. Et si jamais un des placements a un problème, c'est absorbé dans la masse. Alors, ça veut dire que quand vous êtes dans un régime collectif, que ce soit le régime public ou un régime à prestations déterminées, votre portefeuille peut être équilibré pendant toute votre vie active, la période où vous l'accumulez, et aussi après quand vous prenez votre retraite. Et il y a des estimations aux États-Unis qui démontrent que ces régimes à prestations déterminées ont des rendements deux fois plus élevés, ou deux fois et demi plus élevés que des régimes qui sont basés sur les choix individuels et l'épargne individuelle. Oh, c'est très intéressant là, comme information. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment au niveau des cotisations. Donc, quand un travailleur, là, on travaille, puis il y a toujours une partie de cet argent-là qui est prélevé, qui s'en va justement dans les régimes de retraite du Québec. C'est pas tout le monde qui a un régime de retraite. Non, c'est seulement ceux dans le public. Il y a à peu près le tiers des personnes qui ont un régime chez leur employeur. Mm-hmm. Et de plus en plus, ce sont des régimes à cotisation déterminée qui sont pas très différents d'un REER individuel. Et maintenant, le gouvernement, on risque de le voir dans le prochain budget, va introduire ce que s'appelle le régime volontaire d'épargne retraite, où il n'y aurait aucune obligation de la part de l'employeur de cotiser. Oh, ce qui, à ce moment-ci, ce n'est pas le cas, là. Ça dépend. C'est-à-dire que si le gouvernement, si l'employeur a un régime, que ce soit à prestation déterminée, à cotisation déterminée, oui, l'employeur doit contribuer et en plus, il doit contribuer pour au moins la moitié de la valeur de la rente. C'est cette obligation que le gouvernement est en train d'éroder progressivement. Et quelles seraient les alternatives? Bien, la meilleure alternative, c'est toujours le régime des rentes du Québec. Et si on doublait le taux de remplacement, il est actuellement un peu moins de 25%, d'abord, ça permettrait à la classe moyenne de maintenir son niveau de vie après la retraite. Et ça ne coûterait pas le double du taux de cotisation parce qu'il serait entièrement capitalisé. Ça veut dire que avant d'avoir le plein montant de l'augmentation, il faudrait avoir cotisé 40 ans. Et donc, on accumulerait une réserve sur une période plus longue. Et donc, une plus grande partie de la valeur de la rente serait composée des rendements sur les placements. Les estimations, c'est qu'actuellement, on paye à peu près 10% de notre salaire, moitié employeur, moitié employé. Et ça, si on a augmenté à peu près 15%, là, on pourrait avoir le double de la rente. Et ça voudrait dire que on n'aurait pas besoin de beaucoup de régimes d'employeurs inefficaces et dont les employeurs se plaignent. Donc, ce serait la meilleure alternative, là, selon vos recherches. Oui. Et la deuxième alternative, à part si vous êtes capable de convaincre votre employeur d'avoir un régime à prestations déterminées, c'est un régime à financement salarial. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y en a deux au Québec qui sont multi-employeurs. C'est-à-dire qu'un petit employeur peut adhérer n'est pas obligé d'entrer dans toutes les complications de la gestion. Il y en a une pour les groupes communautaires et les groupes de femmes. Il y en a une qui est gérée par la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ. Et ce régime-là a l'avantage, d'abord, c'est la prestation déterminée. Vous investissez 100 $ et on vous promet, une fois après 65 ans, une rente de 10 $ pour chaque 100 $ que vous avez investi. Et en plus, il y a une réserve qui permet d'indexer. Donc, ça maintient son niveau de vie. Mais l'avantage, c'est que la prestation de l'employeur est fixe. Et si jamais il y a un déficit, alors que normalement, il ne devrait pas avoir de déficit parce qu'il y a des exigences d'avoir une réserve très importante, ce sont les salariés actifs qui doivent le combler. On ne réduit pas les rentes ni pour les personnes qui sont déjà à la retraite, ni pour le service passé des gens qui sont encore actifs. Alors qu'en cotisation déterminée, il y a un problème avec le marché financier, vous pouvez perdre 20, 30, 40 % de votre rente du jour au lendemain, et il n'y a aucune façon de le récupérer. Mais avec ces modalités-là, donc le financement salarial, comme vous l'aviez appelé, donc ça, c'est beaucoup moins risqué. Et ça collectivise, comme tout autre régime à prestations déterminées, ça collectivise le risque. C'est-à-dire actuellement, celui des groupes communautaires qui est vieux seulement de 2 ans maintenant, ou 3 ans peut-être, il y a quelque chose comme 350 employeurs avec près de 4000 adhérentes, et ça va en croissant. Donc, plus vous êtes nombreux, plus vous pouvez avoir une gestion équilibrée et plus vous pouvez réduire les frais d'administration et avoir des conseils de gestionnaires qui suivent le marché de près. Alors, mais merci beaucoup pour le partage de ces informations et le fruit de vos recherches, n'est-ce pas? Oui, alors c'est déjà tout pour aujourd'hui. Le temps file, malheureusement. Alors, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de partager, c'est ça, votre savoir sur les ondes de CKRL au grain de sable. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Alors, au plaisir de pouvoir approfondir la question dans une autre émission. Quand vous voudriez. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle, auditeurs, que c'était Mme Ruth Rose, qui est économiste maintenant à la retraite, mais toujours active, et qui a été professeure d'économie à l'UQAM, durant 35 ans. Alors, j'invite les auditeurs à la découvrir sur notre blog. Nous allons publier l'article « Ruth Rose, économiste au féminin », qui a été tiré de la revue « Vie économique ». Alors, avant de continuer, nous allons faire une pause musicale. On écoute Irma et Nolwenn Leroy, Talking About a Revolution. À tout de suite. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper. Don't you know, you're talking about a revolution, it sounds like a whisper. One man who stand the work well lies, crying the doorstep of those on his own salvation, wasting time in the long nights, around waiting for a promotion. Don't you know, you're talking about a revolution, it sounds like a whisper. Oh, people are gonna rise up and get their share. Oh, people are gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Well, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. It's finally the table. stole the praise of salvation. Wasting time in the unborn minds, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about revolution. So alors voilà, c'était Irma et Nolwenn Leroy, donc Talking About a Revolution. Alors vous aurez les coordonnées sur notre blog, dont je rappelle l'adresse Le Grain de Sable, donc comme ça s'écrit, qc.org, ou mieux alors que je vous parle, c'est déjà sur notre page Facebook et sur notre fil Twitter, accessible tous les deux depuis notre blog. Vous écoutez Le Grain de Sable sur CKRL 89.1. Je me tourne maintenant vers Michel Monette, qui, je le rappelle, est notre réalisateur et metteur en onde. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et vous avez reçu pour nous l'éditorial de Claude Vaillancourt. Oui, comme chaque semaine, Claude nous a fait parvenir son éditorial. Et cette semaine, bon, on pouvait bien sûr s'en douter, il va être question des grands de ce monde qui se sont réunis à un certain endroit en Suisse qui s'appelle Davos. Alors, on va écouter Claude. Non, je le rappelle. Ce monde réuni au Forum économique mondial de Davos cette année n'ont pas excellente mine. Les idées qu'ils ont passionnément défendues, les principes qu'ils ont lancés sur tous les toits, ont donné des résultats catastrophiques. Il s'agit de lire quelques titres de journaux pour constater leur désarroi. Même Davos doute du capitalisme, dit Le Devoir. Les dirigeants d'entreprises moins optimistes. Vent de morosité parmi les chefs d'entreprise. Le capitalisme est-il dépassé au 21e siècle? Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, a d'ailleurs écrit dans Le Monde « Nous devons abandonner les excès du capitalisme pour revenir à une économie de marché dans laquelle la responsabilité individuelle et l'engagement social ne sont pas simplement de vains mots. » Un regard rapide sur la programmation nous permet de constater que le capitalisme est le sujet de trois ateliers et débats. Alors, selon ce programme, ce capitaliste, il faut l'arranger, il faut le remodeler et son futur serait incertain. Petite parenthèse, le mot capitalisme est utilisé 14 fois dans le programme, ce qui est quand même moins que des classiques comme leadership qui apparaît 23 fois, innovation 35 fois. Quant au mot néolibéralisme, ben, lui, il apparaît tout simplement pas. Alors, question. Le Forum économique mondial serait-il en train de se faire infiltrer par la gauche et les marxistes? Est-ce que le Forum économique mondial ferait un véritable examen de conscience et proposerait des solutions vraiment profitables pour tous? Bien sûr que non. Malheureusement, il n'y a toujours rien à attendre de ce forum. Il s'agit, comme toujours, d'une rencontre hyper élitiste. C'est un lieu qui favorise la proximité des gens d'affaires et des classes politiques. Et on sait que cette proximité est justement une des parties importantes du problème. Le forum est toujours aussi coupé du monde, fondamentalement incapable de proposer des solutions vraiment fortes. La preuve, une rencontre au sommet entre Angela Merkel et David Cameron nous a proposé toujours le même mantra, plus de déréglementation, plus de flexibilité. Ce qui va permettre à un journal européen, La Croix, de titrer « Le néolibéralisme triomphe au Forum économique mondial de Davos ». Alors, comme à chaque année, il faut donc se tourner vers le Forum social mondial qui a lieu à Porto Alegre cette année, qui est un forum thématique. Le thème, c'est « Crise du capitalisme, justice environnementale et sociale ». Il faut donc se tourner vers ce forum pour avoir des propositions vives et stimulantes. Mais malheureusement, on ne les entendra probablement pas à Davos. Alors, je rappelle que vous venez d'entendre Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, alors qu'il vient de nous livrer son éditorial concernant le Forum économique mondial qui a eu lieu à Davos l'an dernier. Et donc, je crois que je me tourne maintenant à nouveau vers Michel. Je crois que tu avais d'autres informations à partager avec nous. Oui, justement, on vient de parler du Forum économique à Davos qui réunit là, les grands de ce monde, enfin dans le domaine de l'économie et dans le domaine politique. Et on a l'impression que le domaine politique va là pour recevoir certaines indications. Enfin, bref. Mais je vais faire un lien avec notre page Facebook. Vous savez, Valérie, nous avons une page Facebook, oui. Le Grain de Sable. Et on met des informations régulièrement comme ça. Et cette semaine, on a mis une information qui provient du Transnational Institute. Ça, c'est un institut, comme le nom l'indique, genre de think tank qui suit les multinationales, les transnationales, et donc qui essaie finalement de dénoncer certains comportements, etc., des multinationales. Et cette semaine, ils ont sorti un rapport qui s'appelle Planet Earth Corporate Word. Et c'est assez fascinant ce rapport. J'invite, on va mettre le lien sur notre blog, évidemment, vers ce rapport-là. J'invite les auditeurs à aller voir ça. Par exemple, les 25, le top 25 global companies based on revenues. Quand on regarde un graphique comme ça, on voit que ce sont c'est le domaine, c'est tout ce qui s'appelle le domaine du pétrole, gaz, pétrole et tout ça qui est vraiment, à part Walmart qui est la plus grosse entreprise au monde, toutes les suivantes, là, les 10 suivantes, œuvrent tous dans le domaine du pétrole ou dans le domaine de l'automobile. Tout est lié finalement à cette industrie-là, donc qui prend une grande part. Et l'autre graphique sur lequel je vais attirer l'attention, c'est le Global 0.001%. La richesse extrême dans le monde. C'est incroyable. Ce graphique-là est très, très parlant et c'est incroyable là, de voir quelques individus. Il y a une carte du monde aussi où on voit où sont les plus riches, ceux qui sont millionnaires et plus, millionnaires, milliardaires, et etc. Là. Ils sont en grande partie aux États-Unis, évidemment. Ils sont au Japon. Enfin, on va voir cette carte-là. C'est fascinant. Mais il y a vraiment une donnée qui m'a fait sursauter. Tout ce monde-là ensemble, tous ces riches-là, ce 0,01%, contrôle à peu près 42 000 trilliards de dollars. C'est incroyable, c'est une richesse fabuleuse. 42 000? 42,7 trillions, je pense bien que c'est trilliards, on me corrigera si je me trompe, mais c'est sûrement trilliards de dollars. Incroyable! Et si cette richesse-là était utilisée, par exemple, simplement dans le domaine de l'éducation, pour donner l'éducation universelle primaire et secondaire à l'ensemble du monde, 190 ans que ça paierait. 190 ans d'éducation primaire et secondaire pour tous les enfants du monde. C'est incroyable. C'est juste une indication de la façon dont la richesse est mal répartie dans le monde. Oui, la redistribution. Alors, merci Michel de nous dévoiler encore une fois des données percutantes. Alors, c'est le moment pour nous de prendre une pause publicitaire. Et oui, au retour, ce sera la chronique de Cédric Leterme en direct de la Belgique. À tout de suite. CKRL. À Québec. Alors voilà, vous êtes toujours au Grain de Sable sur CKRL 89.1. Cédric Leterme est avec nous pour la deuxième partie de l'émission. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors tu nous entends bien. Alors Cédric, je rappelle, est en direct de la Belgique. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors Cédric, pour cette première chronique, tu voulais commencer par nous parler de l'Allemagne. Oui, exactement. Mais en fait, je suppose que c'est le cas aussi au Québec, mais en tout cas ici, on entend énormément parler de l'Allemagne. Ou plutôt du modèle allemand comme un exemple de vertu, comme l'exemple parfait en fait de ce qu'il faudrait faire d'un point de vue économique. C'est vrai qu'il y a des raisons, hein, l'économie allemande est assez impressionnante, elle a très bien résisté à la crise, ils ont un taux de chômage qui est très faible, c'est d'ailleurs un des rares pays dont le taux de chômage a baissé par rapport à son niveau d'avant-crise, alors que bon, on sait qu'il explose dans plein d'autres pays, notamment la France. Les exportations allemandes vont très très bien, donc ça permet à l'Allemagne d'avoir des surplus commerciaux qui sont extrêmement importants, donc elle a une bonne marge de manœuvre à ce niveau-là. Et puis l'endettement public, même s'il est quand même important, il faut le rappeler, il est maîtrisé, donc ça permet aussi à l'Allemagne de garder ce fameux AAA dont on n'arrête pas de parler, et de pouvoir donc se financer à des taux assez bas, en tout cas pour l'instant. Alors évidemment, dans ce contexte-là, le premier réflexe de tout le monde, c'est de dire, bon, il n'y a pas photo, quand on voit les résultats obtenus par l'Allemagne, on est forcé d'admettre que son modèle est le bon. et qu'il faudrait alors l'étendre à toute l'Europe. En tout cas, le discours qui est extrêmement dominant ici, et en particulier au sein des institutions européennes qui vendent donc ce modèle allemand. Et le modèle allemand, en gros, c'est un mélange de disciplines budgétaires et de modération salariale, quoi. On nous vend ça comme le meilleur moyen de sortir l'Europe de la crise. Bon, ben, c'est génial. Pourquoi, si je vous explique tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a quelques jours, l'Organisation internationale du travail, qui est donc une institution internationale qui est affiliée à l'ONU, qui s'occupe, donc, comme son nom l'indique, des questions du travail, a sorti un rapport dans lequel elle affirmait que ce modèle allemand, non seulement ce ne serait pas une bonne solution à la crise, mais ce serait en fait une des causes structurelles de la crise que traverse la zone euro. Donc je trouvais ça assez intéressant. C'est évidemment un gros pavé qui a été jeté ici dans la mare, puisque ça va complètement à contre-courant de ce qui est asséné jour après jour et des politiques qui sont suivies. Donc je trouvais ça intéressant d'évoquer avec vous un petit peu le contenu de ce rapport-là. Ah, tout à fait. Alors, donc d'affirmer que, le modèle allemand, donc en fait, ce ne serait pas vraiment la solution, mais bien une des causes structurelles de la crise. C'est assez, ça semble assez provocateur comme affirmation. Alors, sur quoi il se base à l'Organisation internationale du travail pour dire ça? Alors, sur quoi ils se basent? En fait, déjà, il faudrait dire que c'est pas les seuls à le dire. Hein. Donc, c'est pas non plus une grande nouvelle, en tout cas, pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'économistes qui disaient déjà ce que l'OIT vient de dire. Et d'ailleurs, je pense que j'en avais déjà parlé à l'émission d'un documentaire qui s'appelle « Deptocratie », qui est excellent. Je vous le reconseille encore. Il est disponible gratuitement sur Internet. On pourra peut-être donner les références sur le blog ou sur la page de l'émission. Et ce documentaire-là expliquait déjà très bien que la réussite allemande tenait pour beaucoup à l'échec, par exemple, de la Grèce, quoi. Donc c'est des choses qui sont connues. Ce qui est intéressant ici, en fait, c'est que c'est une institution internationale qui est quand même mondialement reconnue, forcément, qui est du calibre de l'OIT, qui tient ce discours-là et qui pointe donc directement l'Allemagne comme une des causes de la crise, quoi, et pas comme un modèle à suivre pour la résoudre. Alors, comment est-ce qu'ils expliquent ça? C'est quoi un peu l'argumentaire? Ben, ils expliquent qu'en fait, en 2003, l'Allemagne était vraiment dans une mauvaise situation économique, ça n'allait pas du tout, il y avait un taux de chômage très important et leur économie allait vraiment au ralenti. Et pour se sortir de cette situation-là, ce qu'ils ont fait en Allemagne, c'est qu'ils ont choisi en fait de mener une politique qu'on appelle une politique de déflation salariale. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est en gros, on gèle les salaires pour faire en sorte que, bah, pour gagner de la compétitivité par rapport aux autres pays, parce que les salaires constituent un des coûts principaux forcément des produits qu'on vend, quoi. À côté de ça, ils ont aussi mis en place, toute la panoplie classique des mesures néolibérales en ce qui concerne le travail. Donc on parle de flexibilisation, c'est-à-dire qu'on facilite les licenciements, on diminue les allocations de chômage pour inciter les gens à accepter n'importe quel emploi. Donc ça a marché, entre guillemets, puisque effectivement ça a permis de relancer l'économie. Mais le problème avec ce genre de mesures-là, c'est toujours le même. C'est que d'un, elles ont un coût social qui est extrêmement élevé, et ça c'est le contre-coup de la réussite, entre guillemets, allemande, qu'on évoque assez peu. C'est que la précarité s'est creusée, mais extraordinairement ces dernières années, sous le coup de ces politiques-là. Le taux de pauvreté a dramatiquement augmenté, et même chez les gens qui travaillent, quoi. Donc il y a de plus en plus de personnes qui travaillent et qui n'arrivent quand même pas à subvenir à leurs besoins. Donc ça, c'est une première chose. Le coût social est très élevé. Mais l'autre chose aussi, et c'est là-dessus qu'insiste l'OIT, c'est que si tout le monde suit cette politique-là en même temps, si tout le monde l'applique, ben, ça ne peut pas fonctionner forcément, puisque du coup, on perd tout avantage de compétitivité. Alors heureusement pour l'Allemagne, tout le monde n'a pas suivi cette voie-là, donc elle a pu relancer son économie en exportant vers les autres pays qui, eux, continuaient d'importer parce que leur salaire continuait d'augmenter. Et à l'inverse, ben, l'Allemagne importait, elle, très peu en provenance de ces pays-là. Donc c'est comme ça qu'on a... c'est comme ça que ça explique que l'Allemagne est pour beaucoup, finalement, dans le surendettement qui frappe beaucoup de pays européens, notamment la Grèce, puisque les surplus que dégage l'Allemagne, ben, en fait, c'est les déficits des autres pays, quoi. Mais pourtant, ça semble quand même la voie privilégiée, en tout cas par l'Europe, pour sortir de la crise. Est-ce que je me trompe? Malheureusement, malgré le fait que visiblement ça ne peut pas fonctionner si tout le monde l'applique en même temps, on continue quand même de prôner une austérité généralisée et d'essayer d'imposer à l'ensemble de l'Europe le modèle allemand qui n'a pu fonctionner que parce que les autres pays ne le suivaient pas. Donc on s'acharne à imposer plan d'austérité, réformes structurelles comme ils appellent ça, donc tout le genre de réformes dont je viens de parler, qui ne fonctionnent pas parce que tout le monde les applique en même temps. Et on fait ça en particulier au sein des institutions européennes, au lieu de chercher des pistes de sortie qui permettraient de s'adresser véritablement aux causes de la crise. Quoi. Alors justement, on va se pencher sur ces solutions alternatives qui pourraient exister. Tu vas nous en parler, mais juste avant, on va faire une pause musicale. Alors on va écouter Assassin avec la chanson « Touche d'espoir ». À tout de suite. Thank you. Toujours la même merde, les mêmes têtes de cadavres et notre vie qu'on peut perdre. Pourquoi toujours des sales vibes, on voit toujours des sales phases. Ça marronne, ça gamberge, ça veut niquer la passe. Panama City, la ville où je suis né. J'ai contemplé les hivers, j'ai contemplé les étés. C'est là où je suis aimé, c'est là où je suis détesté. C'est là où on enchaîne tous des doigts gauche crochés. Tous des gueules à mocher, tous fonçant vers une vie gâchée. Tous fâchés, tous fichés, tous fauchés. Par la faute de l'info, car on veut tous réussir. Mais réussir pour la plupart, c'est bâtir son empire. Donc on se marche dessus, en se revendiquant de la rue. Donc on se tire dessus, et notre jeunesse est perdue. Donc on se marche dessus, en se revendiquant de la rue. Donc on se tire dessus, et notre jeunesse est perdue. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir? Donc le hip-hop français fortifie ses remparts. Pour que ceux qui croient en nous n'est pas le cafard, pour prouver qu'on les aime et pour nous ils sont des stars. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir? Pour l'indépendance qu'on représente face au pot du code barre. Pour la résistance qu'on représente face au pouvoir. Pour que l'hip-hop se limite pas à nique-toi bagarre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise à part qu'il faut de l'amour? Pour qu'on s'en sorte. La tolérance, moins d'ignorance, l'humour. Mon ton est dramatique, mais t'inquiète, je suis supersonique. Sonique, magnétique, connecté au cosmique. Freestyle fanatique, fanatique, ambiance métaphysique. Académie mythique, maître match veille sur leur politique. Veille sur ma shit, sur laquelle pendant des années je médite. Avant que mes rimes soient dites, avant que ça batte la critique. Avant que ça se complique, avant de dealer avec la masse qui s'agite. Les médias qui s'excitent, leur politique rapuleuse. Les deux sous-tables, les élections frauduleuses. La corruption, les menaces que l'on s'intègre dans une branche. Mais la nôtre est étanche et c'est hip-hop quand ma langue penche. Et c'est hip-hop quand ma langue tranche. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir? Pour ceux qui nous ont vu, retrouve la lumière dans le brouillard. Pour deux femmes n'aient jamais peur de marcher seul tard le soir. Pour prouver qu'on les aime et qu'on nous, elles sont des stars. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir? Pour ceux qui plus comprennent qu'assassin ne sera jamais tricard. Dans aucune rue, aucun boulevard, aucun écart. Car c'est pour vous qu'on rappe, on se bat, qu'on tient sans faire d'écart. On représente l'espoir pour un hip-hop positif. Même dans la négativité, on restera positif. C'est-à-dire créatif, réceptif, constructif. Face à l'adversité, combatif. Face au respect, à la reconnaissance, attentif. Attends, attends, attends, quoi, j'ai pas nif. Dans le show business, impalpable et subversif. Subversif, je m'inspire de toute culture, tout horizon social. Toute odeur, toute couleur, toute religion, toute étoile. Vend nos rap tous à poil, comme les nouveau-nés. Aucun baguette, aucun costume ne peut contrer la rime sensée. Et si notre hip-hop part en couille, c'est que les acteurs de ce mouvement n'ont pas écouté Anne Peeble, Jill Scott, Ronnie Cooper et Wu-Tang Clan. Que connaissent Al Green ou Donny Hathaway. Encore moins UTFO, Wax Enchanté, DST, Curtis Blow. Y'a des bases dans le ghetto, demanda Fatjo, demanda Primo. Si demain je vis du hip-hop, c'est grâce aux gens présents dans le passé. Je le sais, n'oublie pas à présent, laissez-moi passer. J'ai emmagasiné des infos que je dois révéler. Pour aider ceux qui ne savent pas, pour calmer ceux qui ne font que parader. Calmer ceux qui ne font que parader. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir? Pour faire fermer la gueule à tous les crevards. Pour préserver la nature, notre futur, notre mémoire. Ne pas se corrompre pour une poignée de lard, connard. Pourquoi on a appelé notre album Touche d'espoir? Pour que Mounia soit libre ainsi que toutes les panthères noires. Tous les prisonniers d'opinion, tu trouves pas ça bizarre? C'est d'enfermer que ton amour rayonne plus que l'enfer. Voilà, c'était Touche d'espoir par le groupe Assassin. Alors, je vous rappelle qu'après Le Grain de Sable, ce sera Conte de fées animé par Olivia Vu. Mais en attendant, nous sommes toujours en compagnie de Cédric Leterme, qui nous parle depuis la Belgique et qui évoquait les plans d'austérité qui frappent actuellement l'ensemble de l'Europe et le fait qu'en plus d'être injuste, il ne fonctionne pas. Alors, Cédric, la question qui vient immédiatement en tête à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui pourrait marcher? Quelles sont les solutions qu'on pourrait mettre en œuvre pour sortir de cette crise? Mais écoute, il y en a plusieurs, hein, et puis il y a beaucoup de gens qui en proposent. Moi, je voulais notamment vous parler aujourd'hui de celles qui sont mises en avant par un groupe d'économistes qui s'appelle les économistes atterrés. Bon, c'est qui d'abord? Je crois que j'en avais déjà parlé à l'émission au moment où ils s'étaient formés. C'est donc un regroupement d'économistes qui se considèrent atterrés par la teneur actuelle du débat économique. C'est-à-dire qu'ils sont consternés de voir que les politiques qui ont, et les théories économiques qui ont été si clairement mises en échec par la crise de 2007-2008, elles continuent quand même d'être promues comme les meilleures solutions à apporter à ces crises. Donc, ils considèrent, eux, que cet événement-là de 2007-2008 aurait dû engager un changement complet de paradigme, mais ce n'est pas le cas. Donc, ils sont assez nombreux, et on retrouve dans ce groupe-là des gens de toutes tendances, en fait, plus ou moins radicales, mais leur point commun, donc, c'est vraiment ça, c'est un rejet partagé du cadre dans lequel se tient actuellement le débat économique et la volonté de l'ouvrir vers des pistes alternatives. Donc, ces économistes-là, ils viennent de sortir un livre, en fait, c'est pour ça que je vais vous en parler aujourd'hui. Ils ont sorti un livre qui s'appelle « Changer d'économie, nos propositions pour 2012 ». En fait, c'est un livre qui vise à influencer les débats qui vont avoir lieu en France pour l'élection présidentielle qui s'annonce ici en 2012. Et donc, dans ce livre-là, ben, ils proposent, eux, leur solution à la crise et un petit peu leur programme de sortie de crise. Donc, on reste, en fait, une petite remarque, on reste dans le domaine économique, plus exactement, on reste dans une perspective économique, en fait. Et donc, d'après moi, et eux en sont probablement conscients aussi, les solutions à la crise impliqueraient probablement de sortir un peu de cette logique strictement économique et d'aller vers des champs comme la sociologie, comme la politique, comme l'histoire, puisque justement, c'est cette logique économique qui a précisément tendance à tout envahir et à tout se subordonner à elle-même. Mais bon, c'est un autre débat, ils en sont conscients, mais après tout, c'est des économistes, donc on ne peut pas leur demander de faire autre chose que leur métier. Et il y a quand même des choses extrêmement intéressantes dans le livre qui ont au moins le mérite de montrer qu'il existe bel et bien des pistes alternatives. Alors, comme quoi, par exemple? Comme quoi, je ne les présenterai pas toutes parce qu'il y en a beaucoup. Il y a 11 chapitres, en fait, dans le livre qui traitent, chaque chapitre traite d'un thème précis. Donc, on a un chapitre sur la transition écologique, on a un chapitre sur la question du travail, sur la question de la fiscalité, etc. Il y en a 11 en tout. Mais puisqu'on est en pleine crise économique qui a été causée par les dérives de la finance, ben on pourrait peut-être mentionner brièvement quelques-unes des pistes qui sont proposées pour sortir justement de cette dictature permanente de la finance, quoi. Alors une des premières mesures qui est vraiment strictement européenne ici, qui est loin d'être révolutionnaire d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup de pays qui l'appliquent, et pour beaucoup d'autres pays, ça impliquerait simplement de revenir à une situation antérieure, mais ça concerne en fait la possibilité pour la Banque Centrale Européenne de pouvoir prêter directement aux États. Oui. Ça peut paraître curieux, mais à l'heure actuelle, la Banque Centrale Européenne, c'est interdit en fait pour elle de prêter aux États. Les traités européens l'interdisent formellement. Donc ils sont obligés de se financer sur les marchés financiers et ça les soumet donc de fait à leur discipline avec les conséquences désastreuses qu'on connaît à l'heure actuelle. Quand je dis que ce n'est pas très révolutionnaire de permettre à la Banque Centrale de prêter aux États, il faut savoir que les États-Unis, par exemple, peuvent le faire, l'Angleterre aussi. Et donc, quand les taux sur les marchés deviennent trop élevés, ils peuvent se tourner vers leur banque centrale pour avoir des prêts à nettement meilleur marché. Donc, ça leur donne une plus grande marge de manœuvre, forcément, surtout dans la situation actuelle. Donc, Cédric, dans le fond, c'est des taux vraiment moindres. Là. C'est peu, là. C'est très faible. À titre d'exemple, là, pour illustrer ça, à l'heure actuelle, la Banque Centrale Européenne est obligée d'inonder les banques européennes de liquidités, donc elle leur prête de l'argent à un taux de 1%, en espérant ensuite que ces banques-là prêtent aux États à un taux de 5%, et elles empêchent la différence. Donc, les gens qui observent ça et qui ont un petit peu de recul disent c'est complètement absurde, pourquoi ne pas prêter directement aux États à 1%, pourquoi est-ce qu'il faut passer par les banques pour le faire? Donc, ça, c'est une mesure qui, évidemment, ne résout pas tout, mais qui pourrait déjà leur donner une marge de manœuvre pour envisager autre chose. Ça pourrait donner quand même un peu de répit aux États, mais c'est ça, mais ça ne réglerait peut-être pas le problème de fond. Non, c'est ça exactement. Et d'ailleurs, les pays qui peuvent avoir recours à leur banque centrale, hein, comme les États-Unis et l'Angleterre, ils n'ont pas les mêmes problèmes que ceux de la zone euro, mais ils ne sont pas vraiment dans une meilleure posture non plus, parce que le problème, en fait, c'est que le système, dans ses fondements, s'est grippé. Ce que la crise de 2007-2008 a révélé, c'est vraiment des déséquilibres qui se sont accumulés depuis 20-30 ans, au niveau mondial, entre les pays, mais au sein même des États aussi, surendettement d'un côté, suraccumulation de l'autre, creusement des inégalités, emprise croissante de la finance, on connaît un petit peu tous ces problèmes et toutes ces dérives. Et pour sortir en fait de cette situation-là, c'est sûr que ça va prendre nécessairement une rupture avec les politiques qui ont mené là où on en est, ce qui est malheureusement pas en train d'arriver. Alors au-delà de la question de la Banque Centrale Européenne, c'est vraiment, comme je disais, une mesure qui porte sur l'Europe. Les économistes APE proposent aussi des mesures qui pourraient s'appliquer à n'importe quel pays, des mesures qu'on pourrait décrire comme de définanciarisation de l'économie, pour essayer de sortir un petit peu de cette influence, de cette dictature de la finance. Ça pourrait prendre la forme de contrôle sur les capitaux, ça pourrait prendre la forme d'interdiction pure et simple de certaines activités spéculatives qui n'ont aucun intérêt, nationaliser les actionnaires, on prélève tout, donc ça limite finalement l'incitatif à pressurer sans arrêt les entreprises. Donc la liste est longue, et pour ceux que les détails intéresseraient, ben, je vous invite à aller lire le livre, vous pouvez avoir une description plus détaillée, mais encore une fois, je voulais juste terminer en précisant que les mesures que je viens de citer sont très loin d'être révolutionnaires, puisque pour la plupart, c'est des mesures qui étaient en place durant les 30 Glorieuses, c'est-à-dire les années 40, 50, 60, et ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc ça paraît fou maintenant, puisqu'on a eu droit en fait à 30 ans de néolibéralisme intensif et de lavage de cerveau, et on a l'impression que c'est des mesures qui relèvent de l'international socialisme, mais ça n'est pas du tout. Et j'ajouterais même que en fait, c'est probablement pas assez radical, puisque ne fût-ce que d'un point de vue environnemental, revenir au modèle qui était en place dans les années 50-60, c'est pas possible. Donc là, il faudrait évidemment rentrer dans d'autres sujets comme la transition écologique, la répartition du temps de travail qui est un petit peu abordé dans le livre aussi. Mais bon, ça devrait faire ici l'objet d'une chronique à part entière, parce que là, c'est évidemment des sujets extrêmement vastes. Alors d'accord, eh bien le rendez-vous est donc pris pour continuer la réflexion sur ces thèmes avec toi ici à l'émission. Alors merci Cédric, merci beaucoup. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Eh bien, on se dit à dans un mois pour une nouvelle chronique Europe. Parfait, dans un mois. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Alors, maintenant, nous en sommes maintenant aux événements à surveiller cette semaine. Alors, j'ai avec moi Michel Monette pour nous les présenter. Alors, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent, n'est-ce pas? Oui, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Je veux ouvrir une petite parenthèse. J'ai un peu de temps, là. Je vais ouvrir une petite parenthèse qui va exactement dans le sens un peu de ce que disait Cédric. Cette semaine, il y a le congrès du Canada, le congrès du travail du Canada qui a sorti une nouvelle étude. Une étude qui démontre que le 1er février, mercredi, c'est ça, mercredi prochain, le 1er février, les entreprises du Canada vont trinquer à la journée d'affranchissement de l'impôt des sociétés. Grâce aux généreux cadeaux fiscaux offerts aux entreprises, elles auront à cette date versé leur part entière d'impôts à tous les niveaux de gouvernement, et ce, pour toute l'année. 1er février, à compter. Autrement dit, c'est ça, voilà. Donc, elles ont... on savait, chaque année, on fête l'anniversaire du moment où les individus sont, comme on dit, affranchis d'impôts. Là, la droite a sorti ça, disant, bon, bien, pour les 6 prochains mois, c'est comme si vous ne payiez pas d'impôts. Pour les 7 prochains mois, c'est comme si vous ne payiez pas d'impôts. Dans le cas des sociétés, c'est 2 mois, finalement. C'est comme si, disons, elles étaient de loin favorisées au niveau de l'impôt. Bon, ceci étant dit, et c'est justement en lien avec ça, avec cette baisse d'impôts des entreprises, il y a les indignés d'Occupons Québec qui nous invitent à une conférence d'Alain Deneau, qui lançait hier l'économie de la haine, d'ailleurs, à la JT. Oui. Vous y étiez, Valérie? Moi, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Donc, qui invite à une conférence qui s'appelle « Paradis fiscaux, comprendre pour s'indigner ». Ça, c'est à la Maison de la coopération, à la salle 1. C'est au 155 boulevard Charest-Est à Québec. Vous savez, c'est ce nouvel édifice-là, tout en bois, qui a été construit à côté de la CSN. Donc, c'est à 13h30. Et maintenant, tous les lundis? Tous les lundis, la Boostify, c'est une cuisine collective végétalienne dans le cadre de la campagne Lundi sans viande. Alors, c'est donc on peut s'inscrire. Il faut s'inscrire d'ailleurs à Boostify, Trudignon Subscribe, @yahoogroups.ca. On va donner le lien sur notre blog. Et on lave, on contribue entre 1 et 5 $ par portion mangée ou rapportée à la discrétion de chacun. On apporte des contenants, etc. Donc, c'est une belle initiative, c'est une belle activité de groupe, finalement, autour de la cuisine végétalienne. Et ça se passe au bar coop L'Agité. Oui, tout à fait. C'est au bar coop L'Agité. Exactement. 251 Dorchester. Et on poursuit maintenant mercredi 1er février, 19h. Oui, les compteurs intelligents d'Hydro-Québec, on en a beaucoup parlé ces temps-ci. C'est très, très dans l'actualité. Alors, il y a une conférence qui va révéler tout ce qu'il faut savoir sur les compteurs intelligents. C'est François Drouin qui est coordonnateur des actions de la mobilisation de la Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique. Donc, il faut confirmer notre présence parce que le nombre de places est limité. Encore là, on va donner le lien sur notre blog, à l'endroit où il faut confirmer la présence. Le lieu, c'est au 870 avenue Salaberry, à la salle Michel Jourdan, c'est la salle 322. Il y a une contribution suggérée de 10 $. Parfait, excellent. Alors, mercredi, vous pouvez aussi avoir une autre activité en même temps, donc Oui, ben, c'est sûr. Il y en a une deuxième qui s'ajoute. Exactement. Il y a toujours plus qu'une activité en même temps. On en choisit quelques-unes, mais il y en a d'autres. Et là, il y a l'Assemblée du réseau du Forum social de Québec qui a lieu au 435 rue du Roi. C'est à la salle communautaire au deuxième étage. C'est la rue qui est derrière la Gabrielle. C'est la rue derrière la Gabrielle Roy, la rue du Roi. Et donc, en tout cas, c'est un petit peu compliqué de monter en haut, mais il y a des gens qui vont vous accueillir. C'est à 18h30, ça débute à 19h. L'accueil est à 18h30, pardon. Alors, comme vous voyez, chers auditeurs, une semaine bien chargée et bien engagée, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, c'est déjà le mot de la fin pour nous. J'aimerais remercier tous les invités et collaborateurs qui participent au succès de cette émission. Alors, je vous rappelle que nous avions en début d'émission Ruth Rose, conseil, donc porte-parole du Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail de CIAFT, avec qui nous avons abordé la question des régimes de retraite. Donc, c'est très d'actualité ces temps-ci et je vous invite à prendre plus connaissance de cette question, car c'est ça. Donc, nos régimes de retraite sont très importants. Également, l'éditorial de Claude Vaillancourt, président d'Attaque Québec, qui nous a parlé des forums économiques sociaux, donc au sommet de Davos. Également, merci à Cédric Leterme pour sa chronique donc sur la crise en Europe et un petit peu là donc. Donc, c'est ça. Donc, il nous a parlé d'un rapport de l'Organisation internationale du travail qui met en cause le fameux modèle allemand comme étant une des causes structurelles de la crise qui traverse la zone euro. Également, il nous a parlé de son livre sur les économistes atterrés qui nous ont proposé des solutions alternatives pour sortir de cette crise. Alors, je vous invite à vous procurer ou en tout cas le lire. Et donc, grand merci à Michel Monette qui assure la réalisation de cette émission et également à Fabien Dubuis pour la mise en onde aujourd'hui. Et merci enfin à vous, chers auditeurs, sans qui cette émission ne serait que sable dans le désert. Souhaitons que nous aurions fait avancer votre réflexion sur le monde dans lequel nous vivons. Il a bien besoin que l'on réfléchisse et trouve des solutions. Notre fameux monde. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en rediffusion. Les enregistrements de l'émission sont disponibles via le site de CKRL, sur celui d'Attaque Québec et désormais sur notre blog à l'adresse legraindesableqc.org. Alors, je vous invite à venir également cliquer « J'aime » sur la page Facebook, oui, dont vous pouvez devenir fan. C'est ce que j'allais dire, Valérie. Et Facebook et Twitter, on est dans tous les réseaux sociaux. Oui, donc on met en ligne les actualités de la semaine par rapport au sujet de certains sujets d'actualité qui nous préoccupent. Donc, vous pouvez également nous écrire au legraindesable@hotmail.com. Donc, mon nom est Valérie Blouin. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine et semaine. Je vous laisse donc maintenant en compagnie de la charmante Olivia Vu avec Conte de fées sur les ondes de CKRL 89.1. Et on se retrouve samedi prochain à compter de midi pour une nouvelle édition du Grain de sable. À bientôt.